Yas, buard, gargaz, buaz, bloua, j'suis défoncé, poteau, suce un chibre d'escargot, lol, moi et l'île shit, poteau, lol, c'est marrant parce que son nom c'est l'île shit, comme la drogue. Veux-tu du caillou, petit canaillou, tu feras piou piou, avec moi dans le ciel, tu te dis que j'suis fou, mais c'est toi qui es fou, jure-le comme un loup. Que la vie est belle, veux-tu de la farine, mademoiselle Marine, je pourrais te niquer, une fois défoncé, je plane, je galère à trouver une rime, gagias bumargue, t'attends pas à quelque chose de sensé, veux-tu de l'herbe, jeune mystère, tu t'appelles Kevin, et t'as 13 ans, tu fumes cette herbe, alors que t'es un berbe, car tu veux être swag. Va te noyer dans un étang. Veux-tu cette babiole, sale fils de viol. I am Pussyx, I am ce déchéance. J'chiale dans ma piole, j'suis une tafiole. Je vois tout un noir, Sidorf Clarence. Je veux ma dose pour oublier l'humiliation. Mes parents, mes amis ont découvert ma passion. Arpenter le forum et dévoiler mes pulsions. Ma pucellerie visible à 100 mètres, tel un pavillon. Aux yeux de mon père, sa plus mauvaise création. Ma mère me renie, aucune compassion. Ma sœur dégoûtée, elle a vu le topic où je disais vouloir la niquer en public. I'm high as fuck, nigga. Lick my ass, then lick my tongue, nigga. Don't be so dumb, let me be a coconut. It's for my dog, who licks their nuts. Fuckity fuck, bitch ass fuck. I want a ponies in my mouth. Fuckity duck, bitch ass duck. They're so ignorant, nigga. Ha ha, damn. Huh. Damn nigga, I can't rap anymore. Brand Lito, pay me nigga, I'm too high. Ah ha ha! Putain, t'as pas fini PD? Il aurait pu finir son couplet, putain. Je rêve d'un monde où la tête des gens serait remplacée par des pissenlits. On verrait pas vos têtes de cul comme ça. MD, yeah. Je veux ma dose pour oublier l'humiliation. Mes parents, mes amis ont découvert ma passion. Arpenter le forum et dévoiler mes pulsions. Ma pucellerie visible à 100 mètres, tel un pavillon. Aux yeux de mon père, sa plus mauvaise création. Ma mère me renie, aucune compassion. Ma sœur dégoûtée, elle a vu le topic où je disais vouloir la niquer en public.